aux genoux. Tamanou, au coude. Tamanou, au pouce. Sache que le sport c'est pas facile. Tu vieillis, tu es plus fragile. Tu sais le sport c'est pas facile. Tu vieillis, tu es moins agile. Tamanou, au pied. Tamanou, au bout du nez. Tamanou, au dos. Tamanou, à tous les os. Tu prends de l'âge, c'est bien dommage. Les sports deviennent du surmenage. Tu prends de l'âge, c'est bien dommage. Et c'est le transat sur la plage. Pas mal au cul, tu peux toujours t'asseoir dessus. Mais tant que tu n'as pas mal au cul, tu peux toujours t'asseoir dessus.